c'est bon, je peux vous baiser. Putain, j'ai mis moins 12 à tout le monde, là ça calme tout le monde. Tu dois me dire si je clique là. Ouais, je vais faire un test. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Bon, ouais, moi je suis à moins 12. Allez, c'est parti! Ouais, mais tout le monde s'est barré. C'est moi qui les ai fait partir ou c'est vous? Non, ils sont partis travailler. Ils sont partis tous travailler pour gagner des dollars, des euros.